Nous sommes... Bonjour. En guerre. Bonjour. En guerre. La matinale des bons cons. De 10h à 11h. Plus ou moins. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Il est 10h05, nous sommes le vendredi 10 avril, vous êtes sur la matinale de la radio des bons cons et nous ne sommes que deux ce matin. Et oui, c'est l'anniversaire du Mondoug et voilà, on attend que lui. On attend qu'il se réveille alors. Bah écoutez, chers auditeurs et auditrices, si vous le connaissez personnellement, voilà. Si vous avez son numéro de téléphone, n'hésitez pas à le couvrir de SMS, d'appel, car il ne nous répond pas. et c'est son anniversaire. Voilà. Et bon, vu qu'il ne doit pas écouter la radio, on peut se permettre de le dire, mais normalement cette émission elle tourne plus ou moins autour de lui, hein. C'est notre invité, on a prévu plein de trucs avec lui, on avait prévu de ne pas passer de coup de fil pour faire des jeux avec lui. On a une playlist quasiment 100% Douglas Wilson, la chronique musicale. Moi, je vais parler d'un groupe que je connais, mais dont j'aurais aimé avoir des précisions par Douglas Wilson pour lui faire plaisir. Donc là, je sais pas comment dire autrement qu'on l'a dans le cul. Bah écoutez, c'est simple, hein, si ne nous rejoint pas d'ici, je pense. Bon, dans 20 minutes, on a fini l'émission, hein, à tout casser. Voilà. Alors on pourra déblatérer de choses et d'autres, si vous voulez, on pourra lancer un débat, je ne sais pas, mais bon, genre, voilà. Est-ce que, d'après vous, est-ce que Doug a trop travaillé hier soir d'arrache-pied pour un projet professionnel qui lui demandait beaucoup de temps? Ou bien s'est-il mis une murge? Premier débat du jour, vous pouvez répondre sur le Discord, sur le Facebook, on attend votre réponse. Alors, eh bien, aujourd'hui, voilà, vendredi 10 avril, aux États-Unis, c'est la journée des frères et sœurs. Je ne sais pas en quoi ça consiste, mais si vous avez des frères et sœurs, peut-être, faites-leur un bisou de loin. Moi, j'embrasse les miens de loin, voilà. Également, aux États-Unis, c'est le National Cinnamon Crescent Day. C'est-à-dire le jour du croissant à la cannelle. Attends, mais c'était pas déjà en début de semaine? Non, c'est parce qu'en fait, je t'avais. Ok, c'est que j'en ai parlé en avance. Ouais. Ok, d'accord, je suis en train de me dire, putain, mais ils en ont deux dans la même semaine, quoi cette pâtisserie de merde? Voilà, donc c'est ça aujourd'hui. Alors, on a Jean-Jean qui nous dit, putain, je ne suis pas en très bon terme avec mes frères et sœurs. Et ben, c'est peut-être l'occasion pour vous de les contacter. C'est peut-être l'occasion pour vous de vous reconnecter avec eux et peut-être mettre derrière vous les griefs du passé. Voilà, et de partir sur de nouvelles bases. Il y a Sepamakam qui nous dit « C'est relou, maintenant j'explique à ma tante comment se connecter sur la radio. Heureusement que Doug n'est pas se levé. » Oui, heureusement qu'il n'est pas se levé. Alors, également aujourd'hui, écoutez, une très bonne fête à un prénom pas commun. Bonne fête au Fulbert, avec un F, Fulbert, mais c'est également la fête de Grégoire et ses variantes, donc par exemple une pensée particulière au petit Grégory. Grégory le Marshall qui chantait prophétiquement « Je suis un vie, ça n'a pas de prix !» Grégory le Marshmallow, comme l'appelle si bien ma frangine. On aime l'humour, les jeux de mots dans cette émission, ne dites pas le contraire. Ça s'est passé un 10 avril, le 10 avril 1900, on me dit dans l'oreillette, pardon, je fais un point Doug, hein. Je cite, il m'a dit à minuit 30 qu'il allait baiser 3 litres de vodka pépère. peur sur le fait de... on va voir comment ça s'enchaîne. On va pas plus mal après, nous on ira fumer une clope plus tôt, puis vous serez comme des cons pendant une demi-heure à écouter la radio, à écouter la playlist Wish, qu'est-ce que tu viens avec ma Wish. viens jouer avec mon Wish, c'est une invitation à passer un moment de détente, voilà. Non consentant. Si, Si, il demande, dis pas, il demande. Alors, 10 avril 1925, c'est la publication de Gatsby, le magnifique, par Francis Scott Fitzgerald. C'est assez stylé, ça. Voilà, c'est un peu stylé. Vous voulez nous en parler? Moi, c'est un de mes romans préférés, c'est un de mes auteurs préférés, Francis Scott Fitzgerald. Mais son meilleur, c'est Tendre et la nuit, où il raconte un peu son histoire avec sa femme, et ça parle, bon, c'est le modernisme, hein, donc c'est les débuts de la psychologie, des théories freudiennes dans la littérature. C'est hyper intéressant, les traumas qui sont liés à la Première Guerre mondiale. Moi, enfin, l'entre-deux-guerres, moi, c'est ce qui me passionne dans l'histoire et la littérature américaine. Donc, je vous recommande, si vous avez aimé The Great Gatsby, vous pouvez lire Tender in the Night. Pour moi, c'est le meilleur Francis Scott Fitzgerald, le plus abouti. Non, voilà, petite merci. Parenthèse. Kéman. Également, 10 avril 2006, c'était la légalisation de l'avortement. Ah merde, j'ai cru qu'on allait parler cannabis, putain. Non. Non, excusez-moi, ce n'est que le droit des femmes. Oh, ouais, non, moi aussi, c'est pas... C'est où? Non, au Portugal. Au Portugal. Ah, d'accord. Que je me suis dit, en France, ça fait un peu tard, quand même, mais... Ouais, non. Bah, déjà, ça fait un peu tard, 2006, hein, c'est... Il y a 14 ans, c'est... Alors ça, c'est... Par contre, c'est bizarre, parce que le Portugal, autant... 2006 pour l'avortement, c'est chaud. Par contre, eux, ils ont dépénalisé toutes les drogues en 2004, oh, je sais plus, j'ai plus la date exacte. Donc, c'est on voit le base de priorité. Pour le coup, moi, je m'adapterai assez bien en termes de vie au Portugal, là, j'ai l'impression. Bah, déjà, le temps est pas dégueu. Ouais, on paye pas d'impôts, mais par contre, on peut peut-être croiser Florent Pagny, ça, c'est ça qui est un peu chiant, quoi. Florent Pagny. Ah ouais, il est au Portugal maintenant, Florent Pagny. Ah bah oui, de toute façon. Il est plus en Pentagonie. Ah, ça fait longtemps, non, ça fait longtemps, maintenant, c'est Portugal. Non, Portugal. Qui accueillent plein de belles rostas maintenant, qui ne veulent pas payer leurs impôts dans le pays d'origine. Ok, je ne savais pas. Alors, eh bien, aujourd'hui, c'est des anniversaires aussi. Aujourd'hui, anniversaire... Outre celui du bon Doug. Qu'on attend toujours. Putain, j'ai des updates, hein. C'est pas grave. Remets-le, on s'en fout. C'est notre... Joyeux anniversaire, Doug. Voilà. Oui, donc du coup. On va y aller, je pense qu'on fait. Moi, j'ai fait mon deuil là, du fait d'avoir Doug dans l'émission. Voilà, bon bah. Je vous avoue que même si on l'appelle là, je serais un peu frustré parce que je me dis que je devais devoir attendre une heure de plus pour fumer ma clope finalement. Donc. Bah écoutez, il nous fera la surprise. Hein. On compte sur vous pour le harceler de messages en tout cas. Alors, bah aujourd'hui, les anniversaires. Aujourd'hui, 10 avril, c'est l'anniversaire de Joseph Pulitzer que vous connaissez surtout parce qu'il y a un prix qui porte son nom. Voilà, sinon c'était un homme de presse. Des États-Unis, des USA. US of A. Aujourd'hui, ah, et c'est dommage parce que ça, pareil, j'aurais bien aimé avoir sa réaction, c'est l'anniversaire de Lénine. Lénine, voilà, le fameux. Je suis sûre que Doug aurait eu plein de choses marrantes à nous dire. Également, aujourd'hui, l'anniversaire d'un monsieur qui nous a donné énormément de boulevards, monsieur Maurice Schumann. Je me demandais ce que t'allais dire sur ce qu'il nous a donné, effectivement, ouais. S'il y a un truc qui doit ressortir, ben c'est les boulevards. Bah ouais, hein, boulevard Maurice Schumann, on connaît tous quelqu'un qui habitait un jour rue, boulevard. Oh putain, moi j'ai eu un appart, boulevard Schumann à Nantes, ouais. Franchement ça a été mon pire appart. Mais en même temps, ce boulevard à Nantes... Il est pas réputé, non. Il a pas une très bonne réputation. Alors déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a énormément de... C'est la diagonale de la pute. Des prostituées, ouais. Qui commence, comme chaque Nantais le savent, ouais, rue de Strasbourg, continue rue Paul Bellamy et qui se termine... Ouais, puis on n'est pas sur de l'auto-entrepreneuse, là, on est clairement sur des réseaux malsains avec des femmes qui parlent pas français. Non, c'est dur, ça fait mal au moral. C'est très difficile. Et en plus, le boulevard Schumann est très connu à Nantes puisqu'il a... était le lieu d'un assassinat extrêmement médiatique. Ah, moi je pensais pas à ça, moi je pensais à ces bouchons incessants, ce flot de bagnoles hyper relou que quand t'habites dans le boulevard, tu peux pas t'empêcher à 9h de te réveiller et à 18h à galérer à pas rentrer chez toi. Quoi. Non, moi je pensais à Xavier Dupont de Ligonnès hein, qui a assassiné l'entièreté de sa famille, boulevard Schumann. Voilà, bah écoutez, Xavier, on t'embrasse. Non. Alors, Xavier, si tu veux envoyer un petit message sur le Discord, n'hésite pas, hein, pas de soucis, on est entre nous. On t'attend. On te balancera pas, promis. Non, il est dans le loup-garou. Mais je dirais que là, en termes statistiques, on a peut-être autant de chances que Xavier Dupont de Ligonnès nous contacte maintenant que le bon Doug. Donc, bon, est-ce qu'on fait pas une spéciale Xavier finalement? Joyeux anniversaire Xavier. Ah, les cartouches. Joyeux anniversaire. Oui. Alors oui. Ça fait beaucoup moins d'effet quand on espérait avoir un doute qui se marre un peu à nos conneries et en fait C'est vrai. Mais ça fait de l'animation. On ne sait pas quand est-ce qu'il va se réveiller. Est-ce qu'il va se réveiller? Alors il y a Patate Chaude qui nous dit dans le Discord: pour Kéman, pire bouchon, pire que Dupont de Ligonnès, bravo. Ah bah oui hein. De quoi? Bah tu viens de dire en gros que les bouchons au boulevard Chemin c'était pire que Xavier Dupont de Ligonnès. Bah franchement, en toute franchise, je pense qu'il y a d'autres gens qui ont buté des gens au boulevard Schumann. Franchement, je pense que ce boulevard, au-delà de faits divers, il respire le crime. Je pense qu'il respire l'assassinat. Mais toutes ces choses, toute la diagonale de la pute. Et bon, je me formalise pas sur le fait qu'il y a des gens qui soient morts dans ce boulevard, parce qu'en fait c'est un truc comme acquis. Quand j'ai l'agence, la meuf de l'agence, elle m'a dit: ah, vous avez dit un appart boulevard Schumann? Ah ouais, là où il y a des gens qui sont morts, de manière générale, même voilà. Et les bouchons, par contre, c'est quotidien. En fait, moi ça m'impacte dans mon quotidien. Mais est-ce que t'habitais boulevard Schumann au moment de l'affaire Xavier Dupont? Oh non, hyper longtemps après. Bah non, non. Voilà. Parce que moi j'y habitais pas loin pendant l'affaire du pont de Ligonnès. Ah ouais, ça doit être chelou. Et c'était là, super chiant. Et le jour de l'enterrement, il y avait une caméra de BFM TV juste en face de ma fenêtre. Parce que les funérailles, c'était sur l'église qui se trouvait à 100 mètres de chez moi. Donc c'était très ambiance quand je me suis réveillée. Avec la caméra. Savez. Alors là, on nous dit: vous pouvez appeler votre comédien pour qu'il joue le rôle de Damien. Ah ouais, j'avoue, ça c'est trop une bonne idée ça. Oh non! Que se passe-t-il? Doug est connecté sur le chat. Oh là là, la tension est à son comble, alors vite on... Est-ce qu'il nous entend à la radio là? Espèce d'enculé, t'as intérêt à répondre tout de suite, sinon on te marre à ta gueule. Continue mon éphéméride le temps qu'il se réveille. Hein. Parce que je l'insulte, mais derrière... Peut-être quand il va voir l'effervescence, il est en trop gueule de bois, ça va le faire fuir. Ouais. Peut-être qu'il faut y aller à tâtons. Oh, on a un message sur notre Facebook. J'arrive, oh putain. Alors, on l'attend. Alors du coup, je continue. Également, Doug, tu partages ton anniversaire avec Max von Sydow. Si vous ne savez pas qui est Max von Sydow, je vous conseille vraiment sa filmographie parce que c'était un acteur incroyable qui nous a quittés le mois dernier. Vous avez pu le voir dans le 7e saut de Bergman, où il joue un chevalier en temps d'épidémie de peste qui joue aux échecs avec la mort. C'est un film incroyable. Il joue également le prêtre dans L'Exorciste. Voilà, si vous ne l'avez pas déjà vu, c'est un classique. Et aussi, plus récemment, et ça je pense que ça va parler à beaucoup de monde, Max von Sydow, c'était la corneille à trois yeux dans Game of Thrones. Également... Mais qui joue dans Brazil aussi alors. Ouais, okay. Il joue dans plein de trucs, il est incroyable cet acteur. Bah c'est le personnage principal dans Brazil de Terry Gilliam. Brazil. Alors. Également aujourd'hui, 10 avril, c'est l'anniversaire de Steven Seagal. Alors ça c'est classe quand même, hein, d'avoir le même anniversaire le même jour que Steven Seagal. Oui, alors moi je préfère plutôt Max von Sydow que... Le catogan, mais franchement, sans lui, personne ne porterait de catogan aujourd'hui. Et c'est de sa faute! Je lui réponds hein, qu'on l'attend. Également, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Christophe Honoré. Christophe Honoré, réalisateur. Le mec qui fait les boulangeries à Nantes, là. C'est des super bonnes madeleines. J'adore. Également, aujourd'hui, anniversaire de Guillaume Canet. Voilà, Guigui, Guillaume. Le petit mouchoir, le. Dans quel film il dit lui-même qu'il a joué comme une bouse? C'est dans Vidocq. Mais Vidocq est une bouse internationale, hein. Vidocq, c'est un gros film de merde. Alors, par contre, si notre ami Nicolas Bech était là, il nous dirait que Vidocq, c'est le premier film tourné en numérique ou je sais pas quoi. Mais c'est une bouse, voilà. Guillaume Canet, que vous avez pu voir également dans ses films, hein, puisqu'il joue dans ses propres films, genre Rock'n'Roll. Ah, purée, il est cool. Marrant. Ouais, il est cool. Ouais. Voilà. Et qui est également le concubin de Marion Cotillard. Voilà. C'est également aujourd'hui, alors la même année, hein, 1973 pour Guillaume Canet, et de Tony Vérel. Ah, l'enfant du pays, hein, pour ceux qui viennent de Nancy, hein, Meurthe et Moselle 5-4. Voilà, c'est le petit enfant du pays, ancien footballeur, hein, à Mulet. Je trouve que c'est même lui, hein, qui a popularisé le Mulet. Ça peut-être vous dira forcément quelque chose, aller sur les internets. Et, il a fini tristement, ce petit Tony Vérel, à braquer une boîte de nuit avec un fusil. Mais avec non. Son... Bah si! Avec son beau-frère ou son frangin à braquer avec un fusil à pompe une boîte de nuit et a fini à faire un peu de zonzon. Alors. Les détails sont sur les internets, hein, fouillés, oh, mais wow, voilà. On est sur un génie, on est sur. Ça a l'air, ouais. Également aujourd'hui, l'anniversaire de Charlie Hunnam. Je pense. Alors je sais plus dans quoi il joue ce mec. Mais attends, bah non, mais c'est pas, si vous savez pas qui c'est, peut-être qu'on peut s'en branler. Mais si, mais alors je crois que c'est lui qui va jouer dans le nouveau Bad Boy, dans le remake de Bad Boy. Ouais, donc voilà, je propose qu'on puisse s'en branler à ce moment-là. Bah, il est beau. Donc voilà. Son of Anarchy, le roi Arthur, la légende, Pacific Rim, oui, bon, il a pas fait... Ah si, putain, ouais. Si, c'est lui qui joue dans le remake de Papillon avec Rami Malek. Donc deux beaux gosses, j'avoue, ça peut valoir le coup de les regarder. Après, l'original avec Steve McQueen et Dustin Hoffman est quand même incroyable, donc je vous conseille cette version là de Papillon. C'est également l'anniversaire de Michael Pitt, je sais pas si vous vous souvenez de sa gueule, c'est le mec qui joue dans The Dreamers de Bertolucci avec Louis Garrel et Eva Green. Voilà. C'est également l'anniversaire de... Alors ça va être un... Je ne sais pas absolument pas comment prononcer son nom. Shyler Lay. En gros, c'est la meuf qui joue Lexi dans Grey's Anatomy. Mais non, mais on va pas faire tous les acteurs de série B non plus de non, l'humanité. Mais c'est un gros personnage, voilà. Également, Doug, tu partages ton anniversaire avec Mandy Moore, qui est une chanteuse et actrice américaine, qui est Rebecca dans This Is Us. Et si vous mais n'avez voilà. pas encore ah regardé là là. Cette série, elle est incroyable, cette série This Is Us. Regardez-la, elle est ouf. Également aujourd'hui l'anniversaire de Hayley Joel Osment, c'est le petit garçon Osment, celui qui voit des gens morts. C'est celui qui voit des gens qui sont morts dans le sixième sens et qui joue aussi le fils de Forrest Gump, pardon. Voilà, c'est son anniversaire aujourd'hui. C'est également l'anniversaire aujourd'hui de Daisy Ridley, c'est la meuf qui joue, je sais pas comment elle s'appelle, dans Star Wars, les nouveaux Star Wars. Voilà. Trouvez-moi son nom, je ne sais plus. Et également, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Sophie Elix Baxter, qui n'a fait qu'un seul titre que nous allons vous passer en attendant de récupérer. Elle n'a pas fait qu'un seul titre, attention. Ah non, mais c'est son plus connu et c'est celui qu'on aime le plus d'elle. Ouais. Joyeux anniversaire du... Murder on the dance floor. You better not kill the groom, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know about your kind. And so. I'll have to. better not kill the groove. It's murder on the dance floor, but you better not steal the moves. DJ, gonna burn this goddamn house right down. It's murder on the dance floor, but you better not kill the groove. On est de retour et nous avons une petite surprise pour vous parce que nous avons notre Doug avec nous. Et bonjour, mardi et mardi, à retour au départ. Oh la vache. Par contre, c'est trop bizarre, t'as des bugs de réseau. Ça passe pas trop mal avec ta façon de parler, mais on n'a pas tout compris. Ouais, je faisais le forain en fait. En tout cas, on est très très heureux de vous avoir avec nous, Doug. Vraiment, c'est un plaisir. Et ben moi, je tiens. On s'est fait des petits c'est sur vos codeurs hier. Je sais pas si vous êtes sur le chat, Doug. Vous avez C'est pas ma cam qui dit Damien, dis bonjour à ta tante, elle t'écoute. Bonjour Christelle. Alors si je peux lui foutre la honte, je peux dire bonjour Tata Tétel que j'aime de tout mon cœur. Ce qui est assez bien avec cette phrase, c'est qu'à la fois vous lui foutez, vous lui foutez la honte et vous la foutez à vous-même en même temps. Et ouais. C'est beau. Alors est-ce que vous... C'est parce que quand on se moque de quelqu'un, tu vois, c'est donnant-donnant, quoi. Ouais, vous êtes dans le partage, vous, dans les vases communicants de l'amour. Exactement. Alors on a notre invité téléphonique, c'est vous Damien. Yes. Vous êtes votre propre invité. Ah yes, faut que je m'interview. Non, vous pouvez aussi si vous voulez, mais... Bah si vous avez des questions à vous poser sur le chat, sur le Discord, allez-y. Alors voilà, c'est l'anniversaire de Doug, alors posez vos questions, interrogez-le, si vous avez tout ce que vous n'avez pas osé lui demander jusqu'à présent, ben voilà, la radio est là pour ça. Exactement, on va également faire un petit jeu hein, grâce à des gens qui nous ont envoyé des petits messages pour savoir si vous étiez des choses que vous avez faites hein, durant votre vie. Et nous allons essayer de deviner si vous étiez enfant lorsque c'est arrivé ou si c'était... Si vous étiez bourré. Donc s'il y a d'autres gens qui ont des anecdotes comme ceci, qui pourraient être quelque chose que Doug a fait étant enfant ou quelque chose que Doug a fait étant bourré, n'hésitez pas à m'envoyer également en privé. Vous pouvez m'envoyer ça. Ne nous donnez pas la réponse. Hein. Nous, on va participer aussi. Alors voilà. Évidemment... Ouais, évidemment, il y en a qui l'ont connu. Enfin voilà, il y en a certains quand ils vont nous filer des anecdotes, vu qu'on sait qu'ils l'ont connu à une certaine période, on aura la réponse. Mais... Voilà, donc n'hésitez pas à nous les envoyer. Vous pouvez me les envoyer en privé. Donc on va procéder de la sorte. On va en lire une. D'où vous ne lui dites pas la réponse parce que nous on l'a pas non plus. Hein. Peut-être que même moi je l'ai pas. Donc. Et puis on va laisser un temps pour nos auditeurs de répondre voilà. Sur le Discord. Et vous nous direz. Vous nous donnerez la réponse. Voilà. Et puis vous nous donnerez des détails un peu évidemment. Voilà. On s'en fait un petit. On s'en fait un petit pour commencer. Je vous laisse le temps de réfléchir sur le Discord. Enfant ivre ou les deux, j'ai déchiré un pantalon pour m'en faire un costume intégral. Voilà. Donc je vous laisse réfléchir, à votre avis, est-ce que quand Doug a déchiré un pantalon pour s'en faire un costume intégral, était-il un enfant, était-il ivre, ou était-il les deux? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'il aurait pu faire, qu'il a fait étant enfant et qu'il a fait étant... Répondez sur le Discord, nous-mêmes avec Chloé, nous n'avons pas les réponses, nous avons cogité, et puis dans quelques instants... Ma source, pardon, me les a données. Ah merde, ah bah d'accord, c'est... Non mais du coup, je te dis pas, toi, tu... Ok, bah je joue, Voilà, voilà. Écoutez, en attendant, moi, je... Ah bah du coup, je peux répondre. Moi, je m'en fous. De toute façon, vu que de toute façon, j'ai pas... Voilà, alors, je sais pas. Alors, Doug, moi, j'aimerais savoir... Moi, je dirais qu'avec la proximité du carnaval, ça me semble être un truc de bourré, ça. Moi, ça me semble être un truc de bourré. Donne mon avis, voilà. Enfant. Ouais, j'ai une question. Est-ce que je peux mentir sur le résultat ou est-ce qu'il va y avoir des preuves, genre photos et tout ça? Parce que dans ce cas-là, je suis dans la merde. Ah ouais, d'accord. Directement, on va vers la malhonnêteté. Bah, vous ne mûrissez pas d'un an, hein, en tout cas. Vous, voilà, ça sera la surprise. Il y a la preuve. Ah. Ok, voilà, vous êtes baisé. Ah, bon, bah... Bon, bah, c'est vraiment pas nice. Alors, eh bien, écoutez, il y en a qui nous ont... Alors, Jean-Jean nous dit enfant, Patate Chaud nous dit enfant aussi. Madame Mona nous dit bourré. J'ai du truc à boire, moi, ici. Toi, tu dis quoi, Kemen? Moi, je dis bourré. Moi, je pense directement à Dunkerque, en fait. Et alors... Bah non, il y a une preuve. Non, bah non. Si c'est pas ma cam à la preuve, non, je fais carrément volte-face, je dirais enfant. Alors, Doug... Parce que je sais que c'est pas ma cam, était pas avec vous à Dunkerque. Alors, on va faire ça vraiment comme dans How I Met Your Mother. Ouais. Je vais faire... Alors, j'étais... Attends, je vais faire des roulements de tambour. Normalement. Ah. C'était un enfant. Alors dites-nous tout, c'est vrai tout. Ah, pas sûr, j'étais en coloc avec lui à Grenoble. Ah oui, effectivement. Ouais, mais elle fait de la désinformation. Ouais, mais de toute façon, je m'en fous, j'ai bien fait de changer mon fusil d'épaule. Racontez-nous cette histoire. Mais alors, si c'est la photo à laquelle je pense, c'est une photo où genre j'ai un pantalon, mais genre je suis petit et j'ai un pantalon et je l'utilise. Alors, on invite nos auditeurs à se rendre sur le Discord. Ah oui, vraiment, allez-y. Parce que l'heure du dossier est de mise. Alors, moi, j'ai demandé à C'est pas ma cam si elle pourrait la poster sous la photo. Il y a un truc qui déborde des années 2000. C'est quoi. Incroyable. On dirait Lolita, on dirait Alizé, en fait. Moi, j'ai envie de chanter moi Lolita quand je vous vois habillé comme ça, hein, Doug. Mais en fait, quand j'étais petit, eh ben, en fait, j'étais une fille. Et après, j'ai fait une transformation. Intéressant. Bon, on s'en fait d'autres. Oui, hein, J'en ai un autre. Excusez-moi parce que j'en reçois en même temps. J'ai fini aux urgences en imitant un célèbre combattant d'arts martiaux. Bourré. Moi, je dis bourré. Ça, c'est... Bah, ouais. Évidemment, c'est pas mal de pas avoir dit le mec... Ça aurait donné l'époque, quoi. Mais moi je dis bourré. Je dis bourré. J'annonce. Alors, chers auditeurs, vous partez sur quoi, vous? Si vous voulez un indice, c'est en imitant Bruce Lee. Ah bah oui, mais non, ça c'est vrai que ça c'est intergénérationnel. En imitant Bruce Lee, ah t'as fini aux urgences, putain. Ah ouais. C'est qui Patate Chaude déjà? C'est Léo Watteau. Ouais, c'est ça, j'essaie de voir. Avec ça. Quoi. Ah oui, avec son... Les deux enfants bourrés. Non, mais ce que... Les deux en même chose temps qu'il a pu faire. Deux fois. Voilà, en étant enfant et en étant bourré. Ah putain. Alors, non, ça c'est un peu audacieux. Moi je dis bourré. On va attendre encore un peu, voilà. Les gens se chauffent. En attendant, moi j'ai balancé les jingles d'anniversaire que je vous ai préparé, hein, tous les trucs là. De toute façon, on va les entendre à fond. Attends, je te montre le volume, je mets le casque là. On va pas trop parler. Ah. Joyeux anniversaire, Doug. C'est beau, n'est-ce pas? Ouais, il est trop bien. Alors, à votre avis, est-ce qu'il se retrouve à l'hôpital en imitant Bruce Lee, du coup? Était-il un enfant? Était-il ivre? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'il a fait Attendez, étant bah... enfant et alors, étant... J'ai une précision à apporter à C'est pas ma cam. Oui, bah oui, allez-y. Qui dit que je suis né le même jour que Lénine. Alors si on regarde sur la page Wikipédia, c'est précisé dans le calendrier julien. Et vu que nous, on est dans le calendrier grégorien, et les jours sont décalés, et du coup, je crois qu'il n'est pas du tout né en avril. Ouais, non, on est sur, on a, il y a quelques, alors c'est quoi, c'est 2-3 semaines de décalage, là, parce que la révolution d'octobre, en fait, elle s'est passée en novembre, il y a un truc comme ça avec la révolution russe, moi, c'est comme ça, mon moyen mnémotechnique. C'est ça, donc, ouais. On doit avoir entre, enfin, quelques semaines, voire un mois de décalage. Donc, bite, en fait, dommage, vous auriez pu être un grand révolutionnaire, hein, Doug. Et non. Et au final, je me lève à 10h30, la gueule enfarinée, voilà. Alors, étiez-vous... Bourré. Quand j'ai fini aux urgences pour imiter Bruce Lee, j'étais... Enfant. Ah, putain. Alors, racontez-nous ça. Alors, c'est une histoire qui, à chaque fois que je la raconte, j'ai une espèce de douleur fantôme, quand même. Et en gros, on regardait, je crois que c'était la Fureur du Dragon. En fait, mes parents venaient tout juste d'avoir le coffret de tous les DVD de Bruce Lee. Et du coup, on venait de regarder La Fureur de Vaincre. Du coup, on a regardé La Fureur du Dragon. Et à un moment, je suis allé faire Bruce Lee en haut. Sauf que sur le palier de mon étage, on avait enlevé des portes. Et les gonds restaient. Et en fait, je me suis empalé le poignet sur un gond. Oh. Et c'est une douleur que là, je suis en train de me tenir le poignet. Bah, prenez un petit Doliprane fantôme alors à ce moment-là. Ouais, oh la vache. Non, mais on a mal pour vous. On a mal pour vous. Oh là là. Alors, j'en ai un autre. Doug a réveillé tout le monde en pleine nuit pour faire de la musique. Était-il un enfant? Était-il ivre? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'il a pu faire dans les deux cas? Réveiller tout le monde en pleine nuit pour faire de la musique. Bah déjà, il faut savoir qu'il est batteur. Hein. Donc, de toute façon, je pense qu'à n'importe quel moment de la journée, quand il fait de la musique, ça peut vite réveiller tout le monde. Non, mais en pleine nuit. C'est-à-dire qu'il a... en pleine nuit, il a fait de la musique. Il est allé faire de la musique. Bah ça c'est un truc que tu fais, je pense que quand t'es, moi j'aurais dit, enfin je sais pas, gamin tu fais ça facilement quoi, tu penses pas mal en fait, t'es égocentré, tu penses pas aux conséquences des autres et tu te dis, ouais je pense qu'il a pu le faire les deux, c'est clair, parce que quand t'es bourré c'est pareil, ouais moi je dirais les deux, je suis assez chaud avec le Discord. Parce que je vois bien bourré là avec vos petits claviers MIDI pris d'une grande inspiration en train de faire et puis en train d'essayer de refaire un espèce de tribute à Rhythm of the Night à 3h du mat, ça. Non, mais je vois, c'est en fait c'est du règlement de compte par l'intermédiaire de la radio avec ma soeur, c'est ça. Bon bah alors on a pas mal de réponses sur ce que vous nous l'annoncez celui-là. Allez. Ouais, alors j'ai réveillé en pleine nuit pour faire de la musique parce que j'étais bourré. Ah putain. Alors racontez-nous ça. Merde, ça veut dire que vous étiez déjà vous auriez pu avoir la conscience des emmerdements que vous alliez causer. Oui. Alors pour l'anecdote, donc c'était quand on était en coloc à Grenoble. Et du coup, je suis rentré de soirée pas mal ambiancée. Et en fait, quand je suis rentré de la soirée, j'écoutais Alphabetic Aerobics de Black Adisius à fond. Donc c'est le rap là où ils disent toutes les lettres de l'alphabet et ça accélère de plus en plus. Et en fait, en rentrant, je me suis dit, putain, c'est trop chaud, il faut trop que je fasse ce groove à la batterie. Et du coup, je suis arrivé chez moi à 2h du matin et je vais jouer de la batterie en caleçon, s'il vous plaît. Et là, je vois ma sœur qui se réveille avec une tête de « je vais te défoncer ». Et du coup, j'ai fait « Oh, sur le chat, vous avez vu le message d'Elsa ? Elle a dit « le mieux, c'était quand il m'a dit « je termine » en mode « les bronzés font du ski ». Bon, est-ce que... Ouais. Un petit dernier ? Une grande carte, quoi. Bon. Non, on peut s'en faire plein d'autres, mais je veux dire, est-ce que vous en balancez pas un intitulé? On prend le temps d'un petit morceau de musique pour réfléchir et puis on y revient. Mais bon. Douglas était-il enfant ou était-il ivre ou les deux quand il a vomi dans sa capuche? Eh ben, on va s'écouter un petit morceau spécial dédicace puisque c'est notre morceau de mariage, notre première danse. C'est Mardi Bum des Arctic Monkeys et on revient avec la réponse à cette question pour le moins énigmatique. Ha ha ha. frown and it's like looking down the barrel of a gun and it goes off. And how come all these words? Oh, there's a very pleasant side to you, a side I much prefer. It's one verse. Laughs and jokes around. Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got a face on. Again, aren't I? I thought as much. Cause you turn over there and pull in that silent disappointment face, the one that I can't bear. Well, can't we just laugh and joke around? Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got the face on. And yeah, I'm sorry I was late, but I missed the train and then the traffic was a state. And I can't be arsed to carry on in this debate that reoccurs. Oh, when you say I don't care, but of course I do, yeah, I clearly do. To get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got the face on. Joyeux anniversaire. Alors on est de retour dans la matinale des bancons, donc nous sommes avec Douglas qui est notre invité du jour, en même temps que salarié de la radio des bancons. Exactement. C'est pour faire des économies sur les invités en fait. Ah bah ouais, ça fait cher en cachet au bout d'un moment, hein. Surtout quand on a des intermittents du spectacle qui interviennent dans l'émission, ça commence à raquer. Hein. Alors dites-nous Douglas Wilson, quand vous avez vomi dans votre capuche, étiez-vous ivre, étiez-vous enfant ou avez-vous fait ce genre de choses, les deux, étant enfant et étant bourré? Moi, j'avais juste envie de dire enfant, je me permets d'intervenir, mais bon. Il y a beaucoup de gens qui disent bourré. Hein. Ouais. Déjà, on va donner un petit détail technique, hein. C'est, on va essayer de raconter l'anecdote avant le résultat. Ok. Donc, c'est un vomi capuche, mais vous voyez la scène du baiser dans le premier Spider-Man? Ouais. Et ben, imaginez que, genre, il n'y a pas Mary Jane Watson en face, il n'y a juste rien, et je me vomis, et il y a tout qui coule dans la capuche. Mais attendez, vous avez la tête en bas? Ouais. Et en fait, le truc, c'est que. J'étais dans une voiture et je ne voulais pas vomir dans la voiture parce que ça ne se fait pas. D'accord. Et du coup, j'ai sorti ma tête et sorti en galère. Et du coup, je me suis un peu penché en arrière et donc tout a coulé dans la capuche. Oh merde, ça sent le bourré ça, putain. Et ça s'était arrivé quand j'étais. Ah putain! Bravo! Ok, d'accord. Avec quelques bons cons peut-être? Alors, si je me trompe pas, c'est arrivé. C'était le retour de l'anniversaire d'Emma Delaunay. On a des précisions sur le chat. Madame Mona qui nous dit: non, j'ai sorti ta tête. et du coup, ouais, c'était avec les bons cons. Je crois que c'était la première fois que je jouais au Tomis aussi. Et donc, c'est pour ça. Ah oui, au Tomis. Okay. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer pour les gens qui ne connaissent pas ce jeu? Alors, le Tomis, c'est plus qu'une activité de soirée. En fait, c'est une vraie religion. Et donc c'est un espèce de, enfin c'est un jeu type beer pong et tout ça, mais qui est bien plus intéressant parce qu'en fait c'est pas du tour à tour comme le beer pong, c'est vraiment une course et ça se joue par équipe de deux et on joue à deux contre deux. Et donc les gens sont répartis autour d'une table avec chaque personne de la même équipe dans un coin opposé de la table et chaque personne a quatre verres devant elle et il y a un verre au milieu. Et donc en fait chaque équipe en même temps vont faire rebondir une fois une balle de ping-pong sur la table, puis sur le torse de leur coéquipier. Il faut que la balle rebondisse dans un des quatre verres de devant. Quand ça arrive, on tomise. Et là, du coup, l'équipe adverse n'a plus le droit de jouer. Ce qu'elle doit faire, c'est boire le verre qui a été ciblé, le vider, le faire un flip cup, et après ils peuvent reprendre. Et ça se finit quand il n'y a plus de verre devant chaque personne de la même équipe. Et après, il faut mettre la balle dans le verre du milieu en faisant deux rebonds sur la table. Voilà. Wow. Ça a l'air si compliqué. Il y a un moment même, je crois qu'il faut faire deux saltos arrière et remplir une déclaration d'imposition sans déborder. Il y a un truc comme ça, si je me rappelle bien. Et ça, c'est quand on joue avec des bouts de bois. C'est parce que vous jouez à l'Aquitaine, c'est ça Quoi? Vous jouez à l'Aquitaine, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah, c'est les règles du championnat régional. Et on a Sepamakam qui précise, en fait, un peu les deux, hein, enfant et bourré, parce que apparemment enfant, vous avez vomi dans vos mains en voiture. Ouais, mais c'est pas une capuche. Non, c'est vrai, techniquement, bah oui, bien sûr, bien sûr. Non, je pense que c'était juste pour le plaisir de l'anecdote. Alors moi, j'ai une question, à vous poser, Doug. Je voulais savoir quelle était, parce que bon, voilà, là, on est confiné, c'est compliqué. Je voulais savoir quel était votre programme à la base pour ce week-end d'anniversaire / week-end de Pâques. Le programme, c'est genre que se serait-il passé s'il n'y avait pas eu le confinement. Exactement. Alors, à la base, je devais aller sur Lyon pour aller au Repercussound. Il y a un festival qui se passe au double mixte. Donc c'est à côté du campus de Lyon, de la Doha. Et à la base, je voulais y aller parce que j'y vais, ça fait 2 ans d'affilée maintenant que j'y vais et que c'est vraiment cool. Et j'avais réussi à motiver des gens de mon équipe d'Ultimate sur Aix-en-Provence, mes potes de Grenoble, et même Marcel Pagnol le Magnifique, qui, si tu m'écoutes, je te fais un gros bisou et j'espère que tu fais brûler tout ton cosmos. Et du coup, ouais, je vais faire 3 jours d'affilée, et sauf que bah, ça a été annulé. Du coup, vu que je ne me laisse pas faire comme ça, on m'a proposé après d'aller passer un anniversaire à côté de Chambéry. Du coup, j'étais yes, je ne ferai pas rien pour mon anniversaire. Et sauf qu'après, on s'est fait confiner la gueule. Et du coup, voilà. Mais vous ne faites pas rien pour votre anniversaire, mon bon Doug. Vous passez à la radio. Alors déjà, hier, je me suis enjaillé sur la petite playlist qui est passée sur la radio et mon con. Et c'était vraiment fort agréable. Du coup, je tiens à remercier tous les programmateurs de cette playlist magnifique. Et est-ce qu'on s'en fait un autre, un petit bourré enfant? Allez-y, finissez, Doug, pardon. On cherche, on attend. Je voulais juste faire un petit big up à la personne qui a programmé la tarte à la myrtille, voilà. Bah ça doit être, c'est qui, c'est notre programmateur? Ah non, c'est des envois, ça doit être des envois personnels. Bah écoutez, non, j'avais, je vous ai tout dit de tout ce que j'avais. Ah ouais. Même ceux reçus en cours d'émission? Ouais. Ah bon. J'ai tout dit. Bah vous nous cachez pas tant de choses que ça finalement, mon bon. Moi j'en ai une, hein, pour les gens qui... Non. J'ai montré mon scrotum, était-il enfant ou était-il... ouais mais ça... bourré. Ça marche pas, parce que de toute façon, enfant, on monte son scrotum, on prend sa douche, la tub à l'air, on réfléchit pas à ces trucs-là, on n'a pas ces inhibitions-là. Donc ça implique forcément... J'en ai reçu un, parce que, attendez, on m'envoie ça sur plein de réseaux. Les deux, bah voilà, évidemment, j'ai envie de dire les deux. Si, alors, participation de votre tante au jeu. Ah. Qui dit, Doug a présenté en duo une chorégraphie en plein air, et cela devant un public. Était-il enfant? Était-il bourré? Les deux, vous nous dites. Doug a présenté en duo une chorégraphie en plein air, et cela devant un public. Non, la question enfant, c'est obligé avec une kermesse, un truc comme ça, ou alors une fête non, de famille. Mais lui, en duo. C'est dire quoi vient de sa, ça vient de sa propre initiative. Ouais, mais les fêtes de famille, je sais pas comment c'était chez vous, Doug, là, mais moi, les fêtes de famille, à chaque Noël, on faisait des spectacles de merde avec des chorégraphies, des sketchs qui devaient vraiment faire rire que nous. Et encore, c'est même pas sûr. Et, mais par contre, la question, c'est est-ce que vous avez pu faire ça bourré aussi, quoi? Eh oui, mais c'est ça la question. C'est pour ça que. Je suis convaincu que vous l'avez fait enfant. Vous avez une âme d'artiste, je vous vois directement prendre des costumes, des perruques et vous lancer à l'aventure, ça c'est certain. On m'a pas donné la réponse, mais moi je pense savoir quelle est cette réponse. Mais du coup, je sais pas si je vais le dire. Non. Alors, pour moi je dirais les deux. Enfant, c'est sûrement enfant, mais j'ai envie de dire les deux. Enfant, moi, je dirais les deux. Bourré. Alors écoutez, moi j'ai envie de dire bourré. Damien, dites-nous tout. Alors, j'ai un peu donné la réponse juste en donnant le titre de la musique. Ah, ça, la tarte à la myrtille. remettre dans l'époque. Donc c'était un duo avec ma tante. Ma tante qui est une très bonne danseuse, hein, puisqu'elle a une formation professionnelle de danseuse quand même. Ouais. Et c'était sur « Je ne tiens pas debout » de Christine and the Queen. Alors, et du coup, j'étais bourré. Et on peut dire que je faisais plutôt de la traduction littérale de la chanson. Ah, magnifique. Ma source me précise, on parle d'un public d'une cinquantaine de personnes quand même. Et oui, parce que c'était à l'anniversaire de mon frère et de ma sœur, et on va dire que... Eh, mais j'étais là, en fait Ah non, à familial. M'avait envoyé toute une chorégraphie avec tous les termes techniques, et genre, il y avait plus d'un quatre de termes de danse, et je n'avais strictement rien compris. Du coup, j'ai dû plus ou moins improviser en regardant ce que faisait ma tante. Mais on sait que vous êtes fort en impro. Eh ben écoutez, on va peut-être s'enchaîner. Oui, Chloé, t'étais là, mes 25 ans. Oui, bah ouais. C'est... D'un coup, j'ai un flashback. Ouais. Ouais, c'était. Alors, bien marrant, cette soirée. On va parler musique un petit peu avec vous, Doug. Qu'est-ce qu'on s'en écoute Allez. Yes. Bon, on avait prévu beaucoup de morceaux, mais on a meublé pendant 20 minutes d'émission. On a un peu. Y a tout ce qu'on voulait mettre ne passera pas, malheureusement, et on va devoir choisir un morceau au format un peu plus court, hein, désolé. Mais voilà, on va faire une chronique musicale, et je dis on parce que je vais pas être capable de le faire tout seul et je vais avoir besoin de votre expertise en la matière. On va parler d'un genre de musique qu'on n'a pas forcément abordé aujourd'hui, on va parler du stoner. Le stoner. Alors je vous fais juste un rapide, hein. Qu'est-ce que c'est le stoner ou le desert rock? On va parler d'un groupe spécifiquement, hein, mais déjà pour nos auditeurs, Doug, je fais un petit point stoner. Donc le stoner, c'est un genre de musique très lourd, hein, qui tabasse la gueule. C'est, alors, certains disent que c'est un genre de métal, mais c'est plus complexe que ça. On est sur un rock avec une basse très lourde, très grasse, hein, une batterie lente, parfois qui speed, mais en tout cas, faut taper fort, faut taper très très fort sur sa batterie. Il y a des accents psychédéliques, et le chant par contre est toujours mélodique. Alors c'est ça qui tranche, hein, par rapport avec des genres un peu plus violents, c'est qu'on a des instruments qu'ils ont dans les bas qui pètent la gueule, mais le chant en général est il faut être un très très bon chanteur. Et du coup on va parler d'un groupe qui est le groupe le plus connu du genre, c'est Queens of the Stone Age. Voilà. Yes. Voilà, ça savait que vous apprécierez. Donc qu'est-ce que c'est Queens of the Stone Age? Vous voulez nous en parler un petit peu, Doug? Ben alors je vais essayer de dire, mais je suis pas du tout sûr de mes infos. Donc, Queen of the Stone Age, a priori, ils doivent être du sud-ouest des États-Unis. Je sais pas si c'est Californie ou genre. Je crois que c'est Nevada, je revérifie. Ah non, Palm Desert, Californie. J'ai le Wikipédia à côté, je peux vous épauler. Ouais. Ok, ouais, bah c'est bien, un groupe californien. Et du coup, ils ont commencé début des années 90. Et donc, c'est une formation où ils sont pas mal, hein, parce qu'ils doivent. Il doit y avoir genre un batteur, un bassiste, deux guitaristes. Et puis des fois, il y a d'autres gens qui viennent un peu s'articuler. C'est un groupe qui a pas mal bougé au niveau des membres. Et donc, c'est surtout le leader qui est ultra, ultra charismatique, qui s'appelle Josh Homme, qui est également dans le groupe Eagles of Death Metal. Et dans ce groupe-là, il y a eu d'autres artistes qui sont assez connus, hein, notamment... comment, Dave Grohl, mm-hmm. le batteur de Nirvana et le leader des Foo Fighters, qui a fait au moins un album. Et donc c'est un groupe, ouais, c'est juste des génies, quoi. C'est souvent des petits riffs qui sont ultra, ultra dynamiques et très répétitifs. Et après, ça part juste dans des envolées à la guitare et Josh Homme qui a une voix qui est juste magnifique, quoi. Il est assez impressionnant là-dessus. Mais des fois, ils te sortent des morceaux qui sont hyper, hyper poétiques, hyper psychés, comme ma sœur qui adore ce morceau-là, la Mosquito Song, qui est juste magnifique. Alors oui, Mosquito Song, qui a été interprétée par Monsieur Kéman, ma sœur et d'autres gens à la fête du lycée Joubert. Ah voilà, bah, ça je m'en rappelle bien, ouais. Ouais, on devait l'avoir dans la playlist, hein, ça a été suggéré par Elsa, mais on a dû trancher, hein, parce que ce genre de musique, le stoner, souvent, vu qu'il a des accents psychédéliques, on a des morceaux qui peuvent vite durer 6 minutes. Donc, bah, quand on veut faire une émission qui déborde pas de plus d'une demi-heure par rapport au timing prévu, ce qui est déjà rarement notre cas, et ben, on a dû un peu faire des choix pour essayer de vous contenter au mieux. Donc, et oui, on a parlé de Mosquito Song, elle nous en a parlé, Elsa, et on a hésité à la mettre. Mais on voulait aussi montrer ce que c'est le stoner, que c'est aussi un truc qui tabasse un peu la gueule. Parce qu'on s'envoie un petit morceau, là. Allez, moi je suis chaud. Alors, Ça va finir de me réveiller. Bon, je vous rassure, pour cette chronique, on a quand même choisi un des morceaux que votre sœur nous a proposé. Hein, un morceau qui dure 6 minutes et on se l'écoutera pour votre bon plaisir. Mais entre-temps, on a plutôt choisi des formats courts... pour qu'on puisse en parler un petit peu. Donc on va parler d'un des morceaux qui peut-être qui est pas plus accessible à la base, qui est peut-être un de leurs tubes, je sais pas si on peut dire ça pour eux, Little Sister, ça vous va? Yes. Avec ce petit plan de batterie, cette caisse claire qui se décale là, moi c'est ce truc qui me fait vibrer. Hein. C'est un bloc, c'est même pas une cloche, c'est un bloc. Ouais, c'est ça. Ah, vous allez le voir, on l'entend direct dès le début du morceau. Bon, on s'écoute ça, puis vous nous reparlez un peu plus de Queen of the Stone Age après. Yes. Allez, ça part. Show you out my love. Voilà, c'était... C'était donc Little Sister de Queen of the Stone Age. Vous pouvez nous parler un peu du nom de ce groupe? Vous avez un peu l'origine ou en tout cas une petite anecdote concernant ce nom? Je crois que j'avais lu un truc, et en gros, alors je sais plus si c'est ça, mais c'est, bah, ils voulaient faire un peu une référence à leur style de musique, tu vois, qui fait un peu vieux, basique, mais brutal, mm-hmm. comme bah, justement les hommes de Cro-Magnon. Les cavernes. Ouais. Et sauf qu'à la base, ils devaient s'appeler King of the Stone Age, sauf qu'ils trouvaient que ça faisait un peu trop macho. Et du coup, ils sont appelés Queens, je crois. Bah, déjà que leur chanteur s'appelle Josh Homme. Ouais. mais je trouve que c'est quand même un putain de nom de groupe. En plus, il y a un acronyme pour ça, parce que Queen of the Stone Age, c'est un peu loin à dire. Du coup, tu dis code ça, et c'est trop stylé. Ouais, puis même en tapant, j'ai fait tout à l'heure là pour aller ouvrir la petite page Wikipédia pour les infos, on tape juste l'acronyme et directement il t'envoie sur la page Wikipédia, même Google le reconnaît quoi, c'est... Bah ouais, c'est... Donc ouais, il y a... On en parlait tout à l'heure, il y a une discographie hyper dense, hein, si vous voulez écouter, vraiment, Donc il y a Queen of Stone Age, mais avant ils avaient même un autre groupe qui s'appelait Q's. Donc ça remonte au début des années 90, donc si vous voulez tout écouter, c'est super dense. Et on en parlait l'autre fois aussi, Josh Homme, il a produit les Arctic Monkeys, hein, c'est à partir de quel album? À partir d'Humbug, il a produit quelques tracks, et puis après, plus densément... Donc c'est pas Joule rigolo, quoi. Et oui, vous en parliez aussi, donc il y a beaucoup de musiciens qui sont venus et qui sont partis. et il y a notamment... Ouais. Sur la page Wikipédia, si les gens ils veulent voir, il y a clairement un tableau qui explique chaque artiste et quand, pour quelle période. Et en fait, on voit qu'il y a quand même beaucoup de monde qui sont passés par là. Ouais. Ben oui, vous en parliez en antenne. Là, il y avait Nick Oliveri, le bassiste, qui bossait dans Q's et qui a bossé jusqu'à, je sais plus quel album, Rated R, je crois, jusqu'au troisième album, quelque chose comme ça. Et que finalement, s'est fait virer parce que... Vous nous expliquez la raison? Bah ouais, apparemment, il y avait des soupçons qui battaient sa femme. Donc, Josh Homme lui a dit, bah, tu prends tes clics et tes claques et tu te casses. Et rien que pour ça, déjà, ça donne encore plus envie d'aimer ce groupe. Ouais, voilà. Donc, ça fait un peu musique de gros bras et tout, mais rien que leur choix de nom et ce genre d'attitude, c'est assez cool parce que ça montre que c'est pas du tout une histoire de badass, redneck. Pourtant, dans le stoner, on en a des groupes de redneck pas très intelligents à boire des bières sous la douche, là. Bah, pour exemple, il y a dans Eagles of Death Metal où Josh Homme est aussi, il y a l'autre grosse tête pensante, c'est un gros fan de la NRA. Et pour la petite anecdote, bon, Josh Homme n'était pas là, mais c'était le groupe qui était au Bataclan quand il y a eu les attentats. Mm. Et du coup, je pense qu'il a un petit peu dû ravaler sa carte de la NRA. Donc la NRA, c'est la National Rifle Association, c'est le lobby des armes aux États-Unis. Et on a une petite précision de Jean-Jean là, qui nous dit, on entend la voix de Josh Homme sur Snap Out of It de Arctic Monkeys. Ouais. Voilà. Ouais. Et ouais, il y a des featuring de ouf, hein, d'ailleurs on l'a pas mis, mais sur l'album Era Vulgaris, il y a Julian Casablancas qui chante, le chanteur des Strokes, sur le morceau 666, on entend bien sa voix, et ce morceau il est bien vénère, et j'avoue que c'était un de mes favoris au lycée. Bah ouais, c'est ça qui est cool, c'est que vraiment Josh Homme, même si je pense que ici il est pas super connu, enfin, il est quand même connu, mais c'est pas non plus genre Julian Casablanca qui est, je pense, bien plus connu. Mm. C'est quelqu'un qui réussit à convaincre les gens à venir collaborer avec lui. Et à chaque fois, ça donne des trucs qui sont vraiment stylés. Ouais, c'est clair. Alors moi, personnellement, j'ai connu Queen of the Stone Age avec Era Vulgaris, parce que bah, on en parlait tout à l'heure, il y avait le super single, là, Make It With You, là. I'm gonna make it, gonna make with you. Qui est un peu plus soft comme album, mais moi c'est celui que j'ai découvert au lycée. On va s'écouter un petit titre de cet album-là. Vous voulez nous dire un petit mot sur Era Vulgaris? Ouais, alors de mémoire comme ça, j'avoue que j'arrive pas trop à replacer les différents. C'est la pochette avec les deux ampoules cassées là, un peu. Ouais. Ah oui, du coup, si y en a une qui est vraiment trop bien et le clip qui est bien barré, c'est 30s and 70s qui c'est vraiment. Attends, j'arrive à trouver un qualificatif. Eh ben, vous savez quoi, mon petit Doug? C'est le morceau qu'on va s'écouter maintenant, là. Alors, c'est qui le papa? Vous êtes assez fort. Bah, on se l'écoute et puis vous nous en parlez un petit peu après? Ouais. Allez, hop, ça défonce. Et voilà, on est de retour, toujours avec Doug, toujours en écoutant Queen of the Stone Age. Du coup, c'était Threes and Sevens. Ouais, vous cherchez un adjectif pour définir ce morceau, Doug, ça vous est revenu? Ouais. Ah, du coup, on a parlé un peu hors antenne, mais pour moi, c'est vraiment la musique parfaite ouais, du road trip. Genre, t'es sur la route 66 avec ta Ford Mustang et t'as ça à fond. Mmh. Et genre, t'es avec tes potes, ou genre, si t'es biker aussi, je pense que ça peut. Ouais, c'est de la bonne musique quand pour un crew de biker. Mais ouais, le stoner, c'est ce que vous disiez, hein, que ça fait vraiment old school, mais c'est aussi ça, un des apanages du stoner, enfin pas des apanages, mais en tout cas une des caractéristiques du stoner, c'est de vouloir enregistrer avec en gardant un espèce de son old school, un petit peu lo-fi. Je pense qu'une des grosses influences du stoner, c'est Black Sabbath, hein, comme beaucoup de rock un peu vénère américain, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et puis, même, alors, le groupe qui est à l'origine de tout, hein, Led Zeppelin, qui est pour moi... Un groupe, c'est plus que mythique, quoi. Ça a vraiment ouvert pas mal d'horizons sur tout ce qui est métal et musique un peu plus hard. Ah bah ça, c'est clair. C'est clair, il suffit de mettre une basse un peu plus lourde, d'avoir un tom basse qui résonne un peu plus fort, un mec avec des gros gros bras à la batterie, genre Dave Grohl, c'est ouais. Pas mal, et puis voilà, vous avez du stoner. Moi, c'est vraiment un style. Bah, ces dernières années, j'ai un peu mis de côté parce que j'écoute d'autres styles. Mais à chaque fois que je me remets dedans, je passe au moins deux jours non-stop à me réécouter tous leurs morceaux. Et puis à chaque fois, c'est vrai que c'était quand même super cool. Quoi. Et vous avez d'autres groupes à conseiller dans ce style-là? Parce que moi, à part Queen of the Stone Age, je suis un petit peu novice dans ce genre de musique. Est-ce que vous avez d'autres groupes à conseiller dans la même veine un peu pour nos auditeurs qui se seraient pris d'affection pour le stoner? Bah, alors du coup j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais un peu plus dans le délire, on va dire pas parodique mais plus décontracté, même si c'est de la musique un peu plus péchue et vénère, c'est Eagles of Death Metal, et ils ont quand même des sons qui sont super cool. Ouais. Sinon là comme ça... avec des petits riffs un peu répétitifs récents, j'ai pas trop de noms qui viennent. Ah, j'ai un nom de groupe, j'ai un groupe dont le nom m'échappe là, de vraiment aussi des rednecks là qui font des clips à base de ils boivent des bières sous la douche, ils boivent des bières tout le temps. C'est un peu, leurs clips sont assez marrants, mais j'arrive pas du tout ça va pas me revenir. Je crois que ça va me rappeler quand ça va me revenir quand on aura plus l'antenne. À tous les coups. Oui. Bon, s'il y a des fans de Stoner, répondez-nous, faites-nous signe. Je vais chercher ça pendant le morceau suivant qu'on va vous mettre. Donc après, on va revenir à un jeu concours classique. On peut lire quelques rêves si vous avez. Vous pouvez nous raconter votre rêve de cette nuit si vous en avez. En tout cas, il y a des précisions de Nadia. Je ne sais pas si je l'ai dit maintenant. Oui, donc elle dit que pour l'imitation de Bruce Lee, c'était un lundi de Pâques. J'étais toute seule avec les trois enfants. Dominique était parti à une manif et il a fallu que Damien tombe à moitié dans les pommes. Au bout d'une heure et demie d'attente pour que les urgences finissent par s'occuper de lui. Eh ben. C'était intense. Eh ben, intense comme peut-être la prochaine chanson. Bon, alors la dernière, elle va être longue. Pour nos auditeurs qui aiment pas le stoner, bah aujourd'hui vous dégustez, hein. Désolé, ça tape la gueule. Mais bon, on nous avait. Votre sœur nous avait suggéré ce morceau-là et Mosquito Song. On s'est dit qu'on devait trancher parce que les deux étaient très longs. Elle nous a dit que celle-là, vous aimiez particulièrement l'intro de batterie. Donc bon, on va vous la mettre quand même jusqu'au bout parce qu'on n'est pas des crevards. Peut-être what she said. Pardon. Oh putain. Oui, effectivement, là, pour le coup. Franchement. Et effectivement, là, je ne peux pas dire grand-chose. On vous laisse kiffer faire de la air batterie sur ce morceau. Vous allez, voilà. Et pour le coup, vous en parliez tout à l'heure, c'est Song for the Dead, où c'est du coup Nick Oliveri qui chante, l'ancien bassiste qui s'est fait virer parce que Josh Homme ne tolérait pas qu'il puisse battre sa femme, tout simplement. La femme de Nick Oliveri, pas la femme de Josh Homme. Enfin voilà, bref, hein, vous irez sur lui. Du coup, on s'écoute Song for the Dead, on se retrouve dans 6 minutes pour notre jeu concours. Allez sur le Facebook. Oui. Et partagez d'ailleurs votre plus belle photo de Doug sur le post. Et puis c'est là-dessus qu'on répondra au jeu concours, tout ça, blablabla, blablabla. On se retrouve dans un long voyage. We'll be right back. C'est oui, attends. Pardon, mais c'est moi qui ai pas annoncé en même temps. Oui, voilà, on a des commentaires. C'est tellement pas un morceau pour radio, mais c'est tellement cool. Mais ouais, mais vous êtes pas sur Énergie, vous faites une radio là, donc on en a rien à battre. Sur Alouette. Donc je me suis rappelé du groupe de stoner dont je parlais, s'appelle Red Fang. Leurs clips sont marrants, hein. Donc si vous avez eu un petit intérêt pour le stoner, si vous voulez voir des gens qui des gros barbus, un peu ventripotents américains, qui boivent des binges partout où ils sont, voilà, allez-y. Bon bah voilà, on va faire notre ah ouais, on voulait passer un autre morceau, mais bon voilà, le time is running out comme disait un grand poète, donc on a dû on voulait vous passer Block Party Hélicoptère, mais en même temps vous devez l'écouter déjà pas mal dans votre journée finalement. Ouais. C'est une musique qui en ce moment à chaque fois que je finis de l'écouter, j'ai super mal aux avant-bras et c'est pas ce que vous croyez. Parce que j'ai de la batterie dessus pour ceux qui n'ont pas compris. Est-ce que vous avez un petit rêve? Vous avez rêvé comment cette nuit, Doug? Vous avez quelque chose à... Bah alors, vu mon état, j'ai pas vraiment pu, pu rêver. Mais je pense que si j'ai rêvé et que je m'en souvenais, ça devait être magique. Quoi. Ça devait être à base de « j'étais le roi du monde » ou un truc comme ça. Quoi. Ah, bon, très bien, vous avez raison. Aujourd'hui, vous devez vous sentir le roi du monde. Et vous avez bien raison. Car c'est votre journée. Yes. On se fait un jeu concours, est-ce qu'on a des petites questions? Il n'y a pas de rêve dans l'onglet rêve. J'ai la dédicace, la dédicace, faites la dédicace. De Mona qui a gagné hier. In the meantime, hein. Vous allez sur le Facebook, vous allez voir la bonne tête de Doug dans sa jeunesse, et puis bon, toutes les photos qui s'en suivent en dessous, et trouvez de la place pour commenter le titre du film qui va s'en suivre. Alors, la dédicace. Je fais une dédicace à Coquette, parce que Coquette me manque, et à Jambon Bulgare. Et à Damien, parce que c'est son anniversaire. Voilà. Alors j'espère que vous êtes tous parés. Doug. Moi je suis paré. Et je voulais dire un grand merci pour cette dédicace. Je demanderai à Coquette si elle est contente. Mais je pense qu'elle est contente. J'espère que c'est pas le nom que vous donnez à vos couilles. Hein. Non. Et Coquette et Jambon Bulgare. Qui ferait ça? Bah, je sais pas, Doug. Enfin, non. Disons que s'il y a une personne qui devait faire ça, qui d'autre? C'est surtout ça. Donc, si vous avez des questions, bon, allez, c'est maintenant. Hein, parce que là, on fait le jeu. Par exemple, après, quel est le nom que Doug donne à ses couilles? On est en week-end dans 5 minutes. On va y arriver. Photo de ma maman qu'elle a mis sur le Discord et c'est vraiment une photo stylée. C'est bien, vous pourriez faire de la pub pour les camping-cars, remarque. Hein. Je dis, là, il y a un truc. Hein. Mais alors, pour la petite histoire, là, on était... on était dans la région des Grands Lacs en Finlande. Mm-hmm. Et en fait, si vous voulez, c'est un peu comme des... Je sais pas si vous voyez les routes du Canada là qui traversent les grandes forêts dans la montagne. C'est des pins des lacs, Sauf que là, c'est la Finlande, donc il n'y a pas de montagne. Et en fait, dès que tu quittes la route goudronnée, tu arrives sur des petits chemins en terre qui vont à perpète. Mmh. Et genre là, on avait passé la nuit à côté d'un stade de foot en plein milieu de la forêt, abandonné. Et c'était trop trop stylé. Et en même temps, ça faisait super peur parce que dès qu'il n'y avait plus le soleil, j'ai essayé d'aller me balader dans la forêt pour faire genre, ouais, vas-y, je suis trop fort. Et en fait, au bout de 150 mètres, j'ai fait demi-tour tellement j'avais peur et qu'il y avait des gros moustiques aussi. Oui, il y a des gros gros moustiques en Finlande, c'est une catastrophe. Il y a une question magnifique. Apparemment, est-ce qu'on peut remonter un peu dans le chat? Alors, une question de Nadia, je crois savoir de laquelle c'est. Quel gâteau Damien... Alors je la lis comme elle a été écrite. Hein. De quel gâteau Damien as-tu envie pour ton anniversaire, sachant que c'est moi qui le mangerai? Alors, ma petite Nadia, si tu as envie de te faire plaisir, tu peux te faire un gâteau au chocolat. Mais si je devais choisir pour moi... Je me ferais une pizza, la pizza de chez Tony. C'est bien, on suit les mêmes comptes Instagram, j'ai l'impression. Bon, eh ben, parlons peu, parlons bien. On va parler film, on va parler cinéma. Ah oui, oui, oui. Et vous ne savez pas. Alors, est-ce que vous voulez jouer aussi, là? Parce qu'aujourd'hui, on est un peu plus en mode en famille, tranquille, c'est le week-end bientôt. Est-ce que vous voulez participer, Doug et Chloé? Non, ouais, moi, non, je laisse aux gens. Bah, Doug, je vous laisse participer. Ouais, j'ai essayé de participer dans les règles de l'art. Hein. donc c'est-à-dire sur la page Facebook et pas sur très bien. Pas sur le Discord comme certains font tous les jours. Oui, enfin bon. Personne. On leur en veut pas vraiment parce qu'ils le font, mais en même temps, c'est pas comme s'ils gagnaient non plus. Donc, si au moins ils donnaient la bonne réponse, peut-être qu'il y aurait litige, mais finalement, laissons faire les rageux, comme on dit. Hein. Alors, j'ai vu, du coup, hier soir, j'ai vu un film. Bon, je vais pas y aller par quatre chemins. C'était une fresque sociale. Oui. Mais il y avait cette histoire. Et c'était une fresque sociale, et en même temps, c'était un policier. C'était un policier, c'était un... Ah, mais oui, c'est pas faux, Doug, vous pouvez pas jouer parce que vous entendez tout ce que je dis avant les autres. Vous avez 10 secondes d'avance, Doug. Ah ouais. Merde. C'est pas grave. Bah, envoyez-nous, je sais pas, ou envoyez-nous un SMS, comme ça, ça dit pas pour les autres, et puis c'est juste entre nous. Non, mais j'ai une idée, je joue pas, mais je donne quand même un guess à la fin. Très bien, faisons ça. Bien vu, il y en a qui sont attaqués sur notre jeu, ça fait plaisir à voir en tout cas. Alors, du coup, c'est une fresque sociale et en même temps c'est un truc policier. Quand je dis que c'est policier fresque sociale, c'est quand même quelque chose, il y a quand même une dichotomie, hein, encore une fois, une espèce de combat de classe allégorique dans cette enquête policière. On a des gens un peu plus prolo qui n'ont pas toutes les technologies nécessaires pour comment dire, pour bien paraître socialement parlant face à des gens un peu plus comment dire, un peu plus abouti. Ça rappelle un petit peu, sans que ce soit ça, hein, c'est pas ce que je dis, hein, vous emballez pas, ça rappelle un petit peu l'espèce de combat nord-sud aux États-Unis. Voilà, il y a ce truc là un petit peu de deux individus, de deux clans en tout cas, de deux castes qui s'opposent. C'est haletant. Moi j'étais un petit peu étonné. Alors c'est en même temps une fresque historique, en même temps d'être social, historico-social. On est sur quelque chose de voilà, parce que ça se passe pas à notre époque actuelle. Je crois que je l'ai. Ah très bien. De votre suggestion, je continue encore un petit peu, je persévère et puis quand je vois. On a ce truc là comment dire. Ah j'ai perdu mon raisonnement. C'est un peu éducatif dans le sens où on voit un petit peu ce que l'homme a pu être avant, et en fait c'est peut-être finalement l'avènement de luttes de classe qui ne sont pas encore des luttes de classe parce qu'on est encore dans des histoires un peu plus basiques, primitives presque, j'ai envie de dire, mais en fait c'est peut-être ça la force du film, c'est l'idée de nous donner que ce qui à la base pouvait être des petites différences, aujourd'hui avec les années passant, notre époque actuelle, ça ferait quelque chose de un trip presque marxiste, j'ai envie de dire, presque marxiste, alors qu'en fait là on est juste dans une quête au meurtrier, finalement. On est dans une quête au meurtrier. Quelque chose qui s'attache à des micro-différences. Finalement, il y a ce truc tout con, en fait, hein, cette espèce de cliché du prolo qui pue, du prolo crado, et du bourgeois qui sent bon, finalement, qui est propre, qui est bien sous ton rapport. Est-ce que vous avez peut-être une proposition? Je dirais pas si c'est vrai ou pas, mais Damien, vous avez une suggestion, vous? Je suis en train de regarder les réponses et en fait, ça oriente complètement ma... complètement, vous auriez dit quoi à la base? Vous auriez dit quoi à la base? Mais non, mais c'est parce qu'en fait, au début, je suis parti dans un gros délire quand t'as dit un flic t'as dit dans le passé. Ouais. Je pense à Wall Wall West. Oh mais grave, ça aurait été probable, effectivement. Mais c'est parce que j'ai parlé des États-Unis pour feinter un peu là, c'est ça? Ouais, mais je me suis fait U. Et là, vous diriez quoi là, a posteriori? Je pense que je vais suivre un peu les idées des gens qui ont répondu. D'accord, bah attends. Je pense que les gens sont là sur la bonne voie. Ok, d'accord. Bon, je vais continuer un peu mon histoire. Effectivement, il y a des gens qui sont un peu sur la bonne voie, mais ouais, il y a ce truc là quand même. Il y a ce truc de. Mais on est presque sur une histoire presque biblique finalement de Cain et Abel, le premier meurtre de l'histoire. On a ce truc là en fait quand même de et de ce truc voilà, c'est parce que vous pensez à Fanny Ardant ou ce soir. Donc oui, mais et finalement, est-ce que le début de la lutte des classes commencerait pas par ceux qui ont les cheveux propres et ceux qui ont les cheveux sales finalement, hein? Parce que ça commence, tout partirait pas de là. Donc effectivement, on a des vainqueurs et donc c'est Galix, c'était re aujourd'hui. Oui. Voilà. Donc qui était le plus rapide? C'était Marcel Pagnol, le sympathique, qui l'a trouvé. Très près par Ophélie Souko. Effectivement, c'était. J'aime beaucoup l'idée que vous ayez parlé de Gang of New York. J'aime bien. Ça veut dire que j'arrive à pas trop mal noyer le poisson. Ça fait plaisir. Et donc le voilà, Marcette Pagnol, envoyez-nous votre dédicace pour lundi. Voilà. Et c'est ce que vous vouliez dire du coup, Damien, après avoir vu. Ouais, c'est. Après, du coup, quand j'ai repensé à l'histoire de fresque sociale. Mais c'est toujours ça qui donne le plus grand indice finalement. Exactement. Du coup, sur la radio des bons cons, on est la tribu des cheveux sales. Bah ouais, avec cette cure de sébum qui perdure, on est là-dedans. Hein. Oui, tout à fait. Quelle recette du shampoing. Eh ben, il est temps de. C'est peut-être la bonne période pour les faire soi-même, le shampoing. Shampoing aux œufs, shampoing. Je sais pas. Tout à fait. Ça me donne envie de regarder. Hein. Bon, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On va vous laisser décuver avant de rouvrir la prochaine bière. Non. Bah, alors, j'ai une petite annonce à faire. Oui. C'est trop tard. Ah, vous êtes sur la première bière de la journée. J'avais dit, j'ai pas pu le faire alors que j'avais dit parce que je dormais, mais je suis un homme de parole. Ah, et vous avez ouvert votre bière pendant cette émission, et ça. Bravo. Eh ben pour la peine, bravo. On va se quitter Damien avec une chanson qui vous représente bien. Qui vous célèbre même. Voilà, c'est notre grand classique Philippe Catherine, Francis et ses peintres. Et on va se dire au revoir sur Il est vraiment phénoménal. Et on vous embrasse et on vous aime. Je vous fais plein de bisous, je fais plein de bisous à tout le monde et passez une agréable journée. On va se réécouter un petit jingle bon d'anniversaire parce qu'on n'est pas venu le cochon chou-fleur. Hein. Bon allez, bisous bisous, chin chin. Et ça part sur Il est vraiment phénoménal de Philippe Catherine, Francis et ses peintres. Bonne journée et bon week-end. Phénoménal. Joyeux. anniversaire doux.